Et salut, c'est des litres de salive sur le 89.5 de Radio Dio. Cette année, des litres de salive, on se retrouve les troisièmes lundis du mois à 20h30. Sauf que, bah, peut-être vous l'aurez remarqué, on n'est pas du tout le troisième lundi du mois, il n'est pas du tout 20h30, mais bah, voilà, ça c'est quand il n'y a pas des petits soucis techniques. Et aussi quand je me trompe pas de date et que du coup c'est décalé au cinquième lundi du mois. Heureusement qu'il y a des cinquièmes lundis du mois. Des litres de salive, ça parle de relations affectives au sens large, de sexualité. Ça parle de culture aussi avec un angle féministe, queer, plutôt matérialiste. Et puis ça parle depuis mon point de vue de meuf cis blanche, bi, on va dire issue de classe moyenne. Voilà, pour faire simple. Des litres de salive, pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec, radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant. Doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Ce soir, dans Des litres de salive, c'est une émission musicale avec une playlist de boom. De boom un petit peu éclectique comme ça, pour essayer de vous réchauffer et puis de me réchauffer aussi, accessoirement. Et c'est une boom avec beaucoup des hymnes de chagas. Les chagas, si vous ne voyez pas, c'est un autre mot pour dire salope en fait. Et bon, bah, je sais pas, je le trouve mignon, j'aime mieux le prononcer, mais quand même c'est une insulte, et donc employer chagas, c'est aussi une réappropriation du stigmate porté par l'insulte. Ce fameux truc où les personnes concernées utilisent entre elles pour s'autodéfinir une insulte qui leur est habituellement lancée pour entre autres lui enlever son pouvoir, la tourner en dérision. C'est un peu comme avec le mot queer, voilà. C'est un peu comme quand il y a des slut walks, alors on peut traduire ça par manif de salope. Hein. De façon plus récente, c'est un peu comme quand les meufs reprennent l'insulte Tana, qui a l'air d'être un petit peu un équivalent de salope. Hein. Et du coup, ces meufs, elles font des blagues là-dessus sur TikTok. Et ces blagues, c'est un peu là pour dire, bah, je cite une meuf entendue dans un bout de documentaire. C'est un peu là pour dire, bah ouais, je suis une Tana, et qu'est-ce qu'il y a, tu vas faire quoi? Donc, j'ai l'impression que Tana, c'est comme salope aussi. Dans le sens où ça a l'air de potentiellement concerner toutes les meufs. Toutes les meufs peuvent être qualifiées comme ça si elles font un truc que la personne en face considère comme trop, pas assez, sortant de ce qu'il faudrait faire ou dire. Si elles considèrent que la meuf est sortie du cadre, un cadre qui change selon la personne qui insulte, le contexte, son humeur, si la bobo a ses petites émotions et que ça le soulage d'insulter une meuf pour soulager sa si grande souffrance. Voilà. Mais oui, une des particularités des normes de féminité, c'est qu'elles sont inaccessibles et que la sanction sociale guette toujours plus ou moins toutes les meufs. Mais bon, maintenant, tout le monde est censé être à peu près au courant de ça. Donc, on va passer à la boum. Donc ce soir, c'est des sons de boum qui parlent du fait d'être une chagasse, hein, qui peuvent exprimer clairement du désir sexuel ou qui permettent de l'exprimer sur le dance floor. Et tout ça à la fois, hein, en général. Et cette émission, ça sera l'épisode 1 de 2 ou plusieurs émissions, je ne sais pas trop encore, sur la vulgarité, la stigmatisation des conduites sexuelles et compagnie. Et là, c'est l'épisode light, en fait, presque 100% musique, où on danse dans son salon avec un début sensuel, un milieu pop-punk, et puis une fin qui secoue un petit peu plus quoi, dans la playlist. Donc, on commence en douceur. On commence avec la soul de Bette Davis, qui est une musicienne et compositrice des années 60-70. Et elle faisait tout seule, elle composait, elle jouait des instruments, elle chantait, etc. Et dans ses chansons, elle parlait beaucoup, beaucoup de cul. Le morceau que je vais passer, c'est Nasty Gal, Dans ce morceau, elle parle de son ex qui raconte partout qu'elle est une vilaine, méchante, dégueulasse. Et elle lui rétorque en gros qu'il faisait moins le malin quand elle le faisait couiner de plaisir. On retrouve donc dans cette chanson le problème de la réputation, un truc assez présent dans la problématique d'être une traînée. I'm gonna run it down. Tell him anything you want. My broom, honey, I used to love it. Oh, I used to love to rob the range with your bye-bye. Scratching back and bye-bye, I used to love it. Oh, oh, when you did it, when you did it, oh, tell me where I'm gonna was Et c'était Bette Davis. On va écouter un morceau de la chanteuse Ashnikko, qui en gros dans ce morceau s'adresse à un type et elle lui explique qu'à la soirée pyjama, elle va pécho sa meuf comme une bonne vieille lesbienne maléfique détourneuse des terrains, hein, voilà. Et à propos de maléfique, on enchaînera avec le doo-wop satanique des Twin Temple avec Tengamos la orgía satánica, qui signifie « Allons faire une orgie satanique !» parce que les salopes sont des enfants de Satan, bien sûr. Allez, Ashnikko Slumber Party et Twin Temple, Tengamos la orgía satánica. I've been picturing you naked, I'm a little faded. You look like a fucking painting. Big doe eyes, amazing. She's everything I've been praying. My heart palpitation. She looks like the type to break it. Me and your girlfriend playing dress up in my house. I gave your girlfriend cunnilingus on my couch. She cute, kawaii, hentai boobies, daddy. I'm the Nelly in the party with some rocks to ears. I'm a slave for you, baby, Miss Britney Spears. I'm a Clover, she a Taurus, bring it on for cheers. And I'm sexy like Christina when I dip below. Not a H-Town girl, but I rodeo. Yippee, yippee, kaye, welcome to the show. It's an all-girl party, clothing optional. Me and your girlfriend playing dress up in my house. Eyes go black when she orgasms. Hide your back, she likes to stab them. My butt cheek, she likes to grab. Matching pajama, birthday suits. Her spit is just like juicy fruit. She do that thing she usually do. Spell my name with her tongue like uh-huh. Me and your girlfriend playing dress up in my house. I gave your girlfriend cunnilingus on my couch. She cute, kawaii, hentai boobies, daddy says me. Politely, can I? Ooh, ooh, ooh. Sábado negro, sábado negro. Negro. gusta el sabor de sangre? Bajo la luna, súbete a mi escoba, diablita cachonda y loca, de la que la Donc on vient d'écouter Twin Temple avec Tengamos la Orgía Satánica. À présent, on va passer à un registre un petit peu différent. On va passer à de la bonne vulgarité là, qui est une reprise de Holton Road par la rappeuse Cupcake et qui a un petit peu changé les paroles. Donc alors c'est dans ouais ces paroles c'est très oui c'est un cadre hétéronormé de performance sexuelle. En gros elle dit qu'elle va essorer un type en le chevauchant quoi, et elle parle pas trop de son plaisir à elle, c'est un petit peu dommage. Bon, après essorer les gens ça peut être un plaisir en soi hein, et moi ça enfin cette vulgarité comme ça venant d'une personne qui soit pas un mec cis, ben ça me fait un peu de la joie, j'aime bien, voilà. Mais c'est que je suis beaucoup trop positive comme personne. Mais oui, alors bien sûr, c'est pas neutre. Hein. La pression à la performance sexuelle pour les meufs, l'hétéronormativité, tout ça. Et analyser, conscientiser l'impact des normes sur les comportements sexuels, c'est un truc qui est nécessaire. Mais bah, des fois, en fait, j'ai juste envie de profiter de la jouissance que ça procure d'écouter des meufs dire des trucs hyper vulgaires sans me culpabiliser l'imaginaire érotique et puis me schématiser l'oppression du cul. Western. I'm gonna take your dick, put it in my hole. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take your dick, put it in my hole. I'm gonna ride till I can't no more. Look like a horse shit from the back, yeah. On the dick I rap, never turning his mic off like Nicki at Coachella facts, yeah. Ride it like a horse, yeah. Good brain like a dork, yeah. Told him go pick out, but baby, we don't eat no pork, yeah. Every time it's not hard, open up the box to eat it up just like a pop tart. Make the dick harder than backseats in the cop car. Why the fuck do you keep pulling my tracks? 'Cause if it fall out, bitch. can't no more. I'm gonna take your dick, put it in my hole. I'm gonna ride till I can't no more. Wouhouhouhou. Allez, on va passer du côté punk, pop, pop-punk de la playlist avec, pour commencer, un son qui parle de la stigmatisation des personnes qui mettent des mini-jupes et de responsabilisation des victimes d'agression et du cliché de comment elle était habillée, elle l'a bien cherchée, tout ça, voilà. Ah oui, et aussi, elle est vulgaire et sa mère, elle lui dit que, oulala, c'est pas joli ça dans la bouche d'une fille, tout ça. Donc ça ce sera Johnny Carwash, que je passe pas souvent du tout, avec Slut Skirt, et dans un style plus mignon et pop, on enchaînera avec une chanteuse qui s'appelle Girly et qui explique en gros que bah, c'est pas parce qu'elle a l'air schlag que tu vas la pécho comme ça mon gars, et ça parle en quelque sorte de fétichisation des meufs à look hors normes et de la présomption de la part des normies de c'est quoi la conduite sexuelle des gens en se basant sur leur piercing, leur tatouage, leurs cheveux, tout ça. Allez, c'est parti. We'll be right back. just me on the weekend. Tell me my words you don't like, I'll repeat them. I'll repeat them. Walk in the room, there it is, it's that look again. Like, who the fuck is this bitch, what's she thinking? And what is that shoe stop and skirt combination? That shoe stop and skirt combination. No, no, no. Morceau suivant, pour lequel on reste un petit peu dans le pop punk, on va dire, c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Fera y las Disidentes, et le morceau lui-même s'appelle Dissidente. Et ça parle d'avoir une sexualité dissidente, hein. De sortir de l'hétérosexualité, pas de sortir de l'hétérosexualité, en fait de l'ignorer superbement et de vivre une sexualité sensuelle et folle entre meufs. Voilà. Los llaman disidentes por no acatar sus leyes, pero mi vida no te veo diferente al resto de la gente. Si acaso más valiente, que todo lo que quiero es bailarlo fuerte, usarme hasta cansarme sin el juicio de la gente. Que todo lo que quiero es tu cuerpo disidente, cerca de mi cuerpo disidente. Que todo lo que quiero es tu cuerpo disidente, cerca de mi cuerpo disidente. Si me quieres, quieren así, no me vas a hacer cambiar, porque esto es lo que soy y esto es lo que te voy a dar. Y sabes que te va a gustar, tú sabes que te va a gustar. Nos metemos en tus coches, nos perdemos en la noche. Quiero bailar contigo, dame mami hasta que muerte. Nos metemos en tu coche, nos perdemos en la noche, ey. Quiero bailar contigo, prende mano hasta quemarme. Que todo lo que quiero es tu cuerpo disidente, cerca de mi cuerpo disidente. Que todo lo que quiero es tu cuerpo disidente, cerca de mi cuerpo disidente. Si me quieres, quiéreme así, no me vas a hacer cambiar, porque esto es lo que soy y esto es lo que te voy a dar. Y sabes que te va a gustar, tú sabes que te va a gustar. Nos metemos en tu coche, nos perdemos en la noche. Hey, quiero bailar contigo, prende mano hasta que madre. Nos metemos en tu coche, nos perdemos en la noche. Quiero bailar contigo, prende mano hasta que madre. Todo lo que quiero es tu cuerpo disidente, cerca de mi cuerpo disidente. Todo lo que quiero es tu cuerpo disidente, cerca de mi cuerpo disidente. Todo lo que quiero es tu cuerpo disidente, cerca de mi cuerpo disidente. Et c'était donc Fera y las Disidentes. À présent, ouh, c'est pas très fort ce son-là. À présent, c'est le moment de la parenthèse nostalgie. La nostalgie de la vague de chagasserie de la fin des années 90 et du début des années 2000, qui a vu débarquer des chanteuses ultra-sexualisées d'une façon assez spécifique et qui étaient mises en scène dans des clips très, très, très hot, là. En mode girl power, c'est super d'être sexy-sexy et c'est grave mon choix. Du coup, c'était vraiment le pseudo-empowerment sexuel féminin vu par le capitalisme et transformé en produit de consommation hyper lisse. Et plein d'injonctions à la blancheur, minceur, tout ça, voilà. Ça a un peu muté, là, maintenant, mais... Bref, on pourra en reparler. Et puis, on a envie d'y croire qu'on peut tranquillement être une chagasse et que les pressions sociales, on s'en fout, que c'est trop powerful, tout ça. Mais en fait, spoiler alert, non, ça ne marche toujours pas. Mais voilà, bref, c'est quand même un très bon morceau de boom et de chagasserie. Et s'il a des bons côtés, ça serait d'avoir ouvert une possibilité d'exploration au fait de se sentir désirable et puis d'avoir chaud, très très chaud. Même si c'est d'une façon toute pétée, hétérocentrée à mort, ouais, je suis encore une fois bien bien optimiste. Hein. C'est comme ça, voilà, l'optimisme. En tout cas, un clip et un morceau historique, Dirty, avec 3 R, de Christina Aguilera. Dirty. Dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't here to party. Ladies, move. Gentlemen, move. Somebody ring the alarm. A fire on the roof. Ring the alarm. And I'm throwing elbows. Ring the alarm. And I'm throwing elbows. Yeah. Ring the alarm. And I'm throwing elbows. Ring the alarm. And I'm throwing elbows. Who ready to party out there? I'm throwing elbows. Ring the alarm. And I'm throwing elbows. Ring the alarm. And I'm throwing elbows. Oh, I'm overdue. Give me some room. I'm coming through. Paid my dues. In the mood. Me and my girls gonna shake the room. DJ spinning. Show your head. Let's get dirty. That's my jam. I need that to get me off. Sweating till my clothes come off. It's as close as speakers are comfortable. I'm still jumping six in the morning. Table dancing, glasses for pressure. No questions. Time for some action. Let's get open, cause a cold shower. Still going 8 in the morning. that's what's up. Giving just what you love to the maximum. Uh-oh, here we go. Here we go. What to do when the music starts to drop? That's when we take it to the parking lot. And I bet you somebody's gonna call the cops. Uh-oh, here we go. Here we go. A jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas. After media shine, I'm shining with both of the sleeves up. Yo, Christina, better hop in here. My block live and in color like Rodman hair. The club is packed, the bar is filled. I'm waiting for just to act like Lauryn Hill. Frankly, it's a rap, no bargain deals. I drive a four-wheel wide with foreign wheels. Throw it up, baby, this Brick City, you heard it. That. We blessed and hung low like Bernie Mac. Dogs, let them out. Women, let them in. It's like I'm ODB. That what y'all think of it. Et c'était donc la grande Christina Aguilera. Malgré le fait que j'ai poncé cette chanson vraiment beaucoup, beaucoup dans ma jeunesse, tout ça, j'avais jamais remarqué, à un moment, elle dit « Sweat until my clothes comes off ». Ce qui veut dire, genre « je vais transpirer jusqu'à ce que mes vêtements tombent ». Et j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas beaucoup de pratique dans ce qui est transpirer et la sueur, tout ça, parce qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Enfin, je sais pas, les vêtements, ils se mettent à coller quand tu transpires et quand tu as trop transpiré dans ton jean, tu ne peux pas l'enlever. Enfin, voilà. Mais on va changer de registre. Hein. Mais on va quand même parler de vêtements, du coup. C'est une musique tout à fait contemporaine, hein, beaucoup plus que Christina en tout cas. Et c'est un morceau qui parle de s'habiller comme une grosse traînée et puis d'assumer et de porter ça avec une grande fierté. Ça s'appelle Alta Bajeza et c'est un groupe qui s'appelle Las Mari Carmen, qui sont de Madrid, je crois, en tout cas elles sont espagnoles. Et le titre Alta Bajeza, ça peut se traduire texto comme ça par haute bassesse, mais c'est un peu le sens genre noblesse du caniveau ou aristocratie de la vulgarité, quoi. En gros, allez, c'est parti. Alta como mi mirada cuando cruza con la vuestra. Me protejo con mis uñas, mi brilla te muestra. Estampita de la virgen junto a spray pimienta. Si salgo a la calle seguro te das cuenta. Alta bajeza que más viene realeza. Virgen de Guadalupe por mí reza. Imaginario binario le falta riqueza. Mi copa de monstruo infinita belleza. Un chaval con coño, menudo sin vergüenza. Alta bajeza, alta. Alta bajeza, alta. Alta bajeza cuando cruzo la acera. Colmillo afilado perfilando la acera. Travesti, pollera, ruge gata fiera. Tocando las palmas como paya ruinera. Marica con coño sin culpa, chaval. chavales. Cuerpo no escrito vacilando tus modales. Ninguna ley más que cuidar a mis hermanes. Resiste monstruos que no digan que no vale. Tacones, te traigo el malfario, patadita flamenca, machito de barrio. Chandita, tacones, te traigo el malfario, patadita flamenca, machichichi. Sin ayuda, no tengo nada que demostrar, tan solo puntos de sutura. Mi historia en verdad se parece mucho a la tuya. ¿Quién eres para decirme si es legítimo que exista? Llámame blasfemia, no binario, antagonista. Yo pertenezco a tu naturaleza, salí de lo binario, estallé tu cabeza. Alta bajeza, alta, alta bajeza, alta. Yo pertenezco a tu naturaleza, salí de lo binario, estallé tu cabeza. Alta bajeza, alta. Alta. Mariconea, delin que transforma el sistema. Resiste a la norma, cambiaste de acera. Canino, femenino, masculino, todo quiera. Demasiado rechulón, mi ruido no es pa' cualquiera. Mariconea, delin que transforma el sistema. Resiste a la norma, cambiaste de acera. Felina, femenina, masculina, mi manera. Me reíto, breve, y como quiera tu manera. Mariconea, delin que transforma el sistema. Resiste a la norma, cambiaste de acera. Puta perra purpurina, plástica pantera. Jalaste el gemido de esta barrio bajera. Mariconea, delin que transforma el sistema. Resiste a la norma, cambiaste de acera. C'était Alta Bajeza de Las Mari Carmen. Et bah, je ne l'ai pas précisé dans l'intro, mais ça parle de s'habiller comme une grosse traînée et d'en être fière, certes, mais c'est aussi une chanson de fierté queer. Et qui dit aussi voilà, j'aime mettre des talons hauts et nique les normes de genre, quoi, voilà, en gros, un petit peu. On enchaîne avec, avec Brooke Candy qui chante I wanna fuck right now, ce qui signifie je veux ken là maintenant. Et je pense qu'on peut dire que cette personne est dans une expression assumée de son désir sexuel. Oh là là. Broke motherfucking candy on the track, fag my running shit. I'm taking shit over, that's why I'm headed straight to the top, baby. What? You a bitch. I wanna fuck right now. I wanna fuck right now, now. I wanna fuck right now. I wanna fuck right now, now. Candy, I came to throw down. Bitch, I'm internationally known. Do see me when they want the mind blown. Step your dick game up. I'm freaky like Rick James. I like to switch the game up. Break the beat and rip the frame up. You ain't shit, boy. Got you pussy whip. Boy, licking up the clip. Make you savor every drip. Boy, shit, when I strip. Boy, got you in my grip. Boy, there ain't nobody pussy. I be cutting off your dick, boy. Sipping on the nectar, my clip of shit detector. Now do get on your knees and eat it up, Hannibal Lecter. I wanna fuck right now. I wanna fuck right now, now. I wanna fuck right now. I wanna fuck right now, now. Boy, nothing but dick to me, boy. Lickety boy. Boy, I hit it and quit it, I'm slippery, boy. My heart's never rented, I say what I'm sinning, I'm loose but I'm winning. I'm ripping the women and money, I'm swimming. It's time that I'm giving, agenda stay hidden, the realest bitch living. Hey, hey, yo, bitch, hey, hey, yo, bitch, come here, come here. Give it to me. Hey, hey, yo, bitch, what? Hey, yo, bitch, come here. Let me talk to you for a minute. Et je sais pas, mais vous trouvez pas que quand même Brooke Candy, elle a un peu, elle a un peu l'accent stéphanois quand elle chante, parce que elle chante I wanna fuck right now, now, now, comme ça, et on dirait un petit peu, enfin bref, voilà. Je remarque décidément des choses très pertinentes ce soir. On va continuer. Pas les réflexions stupides, la musique. Avec la rappeuse Théodora et son morceau Freaky Nasty Gal. C'est des paroles un petit peu mélancoliques sur le fait d'être parfois la fille facile avec laquelle les types se mettent pas en couple. Mais en même temps, dans la chanson, elle a l'air de d'être bien badass et de vivre sa meilleure vie. Voilà, Théodora, Freaky Nasty Gal. Fax est artificiel, je suis 9-3 en béton et acier. Mon cœur il est noir et toujours gris reste le ciel. Parfois je suis trop pauvre donc j'ose même pas passer le palier. Maman avait raison, musique et argent c'est pas lié. Je m'ennuie dans ma brume, heureusement que j'ai un allié. Aujourd'hui il est là, peut-être que demain il va s'en aller. J'ai un cœur il est noir donc je prends le milieu, je prends pas d'aller. J'ai le bandeau, le manteau, mais mon teint est bien plus allé. À présent dans une partie un petit peu plus chagas reggaeton comme ça de la boom tranquillement. Alors d'abord en fantasmant sur des types qui, alors c'est dans les paroles de la prochaine chanson, des types qui ont une tête à bien faire le sexe Et je suis assez soft dans ma traduction quand même. Et donc le type dont il est question là dans la chanson, il se retrouve à être objet de convoitise sexuelle, tout ça. Mais est-ce que c'est la même chose que pour l'objectification sexuelle des meufs ? Eh ben non. Yeah. Bad girl. Yeah, yeah. La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a bacara fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Cómo me mira, el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Te. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Chulo. Como me gusta, una mala como yo, solo que tú buscas. Te pongo rápido y me da mala conducta. Tu actitud de delincuente que me pone en puta. Tiene el piquete caro que a mí me da notre. Cuando me ve bailando lejos se sofoca. Me está pidiendo que se la ponga en la boca. Te embarro la cara y le eche papi, yo soy loca. Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris. Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí. Me lleva pa' lo oscuro que lo que me va a decir. Dile Toki que me quieres a venir. La cadena le brilla. Locuro, huele a cara fumándose un puro. Tiene cara que la cama te da duro. Yo soy papi que tú eres muy chulo. Como me mira el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Yo me puse el chola yo no en los pies. Vamos a verlo como es. Chulo, chulo. Cara buena y en la cama doy duro. Mami, si tú quieres me dices chulo. Ese culo, ay Dios mío, mami yo te juro que si te pillo yo te llevo al oscuro. Sexo crudo, pósame del puto. Pégate, muévete, más tú no querías fuerte. Pégame ese culo porque no tienes billete. Te lo tajo, si te caes yo te subo. Él no me dio, si un pecado se comete. Chiquitita con nalga grandota. Se ve fina, pero se le nota. Que lo que bebe whisky a la roca. La nena chinga, pero no se enamora. Algo le subió. Me pone cachonda, me pone mal. Chulo, chulo. Tiene cara que en la cama te da duro. Duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Duro, duro. Tiene cara que en la cama te da duro. Chulo, duro. La cadena le brilló en lo oscuro. Hey, it's Baby Nico. Et c'était le morceau Chulo par un trio de chanteuses, rappeuses reggaeton, donc par Tokisha, Young Miko et Bad Gal. La prochaine chanson, c'est un morceau de Tribad qui s'appelle Dyke. Dyke, ça veut dire Gwyn en anglais. Elle parle. De si elle préfère les femmes ou les butch, en fait, elles aiment bien tout le monde. Voilà. Dis que quieres tú, mami, dis que quieres tú, que a mí me gustas igual, lo había de femme de butch. Dis que quieres tú, mami, dis que quieres tú, que a mí me gustas igual, lo había de femme de butch. Dis que quieres tú, ey, que quieres tú, de femme de butch, de femme de butch. Dis que quieres tú, ey, que quieres tú, de femme de butch, oye, de femme de butch. Dis que quieres tú, mami, dis que quieres tú, que a mí me gustas igual.

duro como una roca. Roca de mi perro, roca mi muñeca. Yo soy tu muñeca. Plástico, cuero de rolico. Isabella Love Story avec Sexo, Amor y Dinero. Maintenant, un son plein de joie et d'humour à suivre. C'est un morceau de soutien aux travailleuses du sexe qui, sur la thématique Chagas, qui sont touchées par une forme spécifique de ce qu'on peut appeler le stigmate de la salope et qui a des conséquences matérielles très nettes pour beaucoup d'éleux et dans leurs existences. La chanson est écrite à la première personne, donc c'est probable que cette personne soit une personne concernée, mais j'ai pas trouvé d'infos plus que ça là-dessus. Elle met en avant que, en gros, tout le monde vend quelque chose pour se faire des thunes. Voilà. Et ça m'a fait penser à un truc, c'est à... Alors, désolée, ça me fait penser à des trucs vraiment pas drôles. Ça m'a fait penser à Laurence Rossignol. Cette espèce de quichasse de la vie là, parce que je suis tombée avant-hier sur une interview de cette cruche sur YouTube à la suite d'un reportage sur les réseaux de prostitution des mineurs. Et elle a un discours, j'avais oublié, elle a un discours vraiment tout niqué. Elle ment ouvertement, on sait pas dans quel but, hein, peut-être pour exagérer le problème. Bon, alors elle dénonce la prostitution des mineurs. Eh ben oui, bien sûr que c'est pas une bonne idée, la prostitution des mineurs, ni l'exploitation sexuelle de qui que ce soit, en fait, évidemment. Et après, elle enchaîne sur... d'ailleurs, il n'existe pas de personnes qui exercent volontairement le travail du sexe. Et alors, encore mieux juste après, il n'existe pas de personnes qui commencent le travail du sexe en étant déjà majeures. Donc, elle ment, en fait, voilà, comme ça, tranquillou. Elle chie sur la gueule de toutes les personnes TDS qui ont des syndicats, un discours médiatique et politique... Voilà, tout en disant aussi, hein, en parallèle, que le discours qui glamourise la prostitution est nocif pour les jeunes et insupportable. Et vraiment, c'est une stratégie de discours qui est assez perverse et qui manipule par l'empathie, parce que quand on entend ça, on vient de voir un docu hyper vénère avec le témoignage de la mère d'une meuf de 14 ans qui a été manipulée. Alors forcément, on est hyper ému, on est réceptive à son message. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de situations qui ne sont pas du TDS mais de l'exploitation sexuelle et que c'est pas ok évidemment, bref, mais donc elle manipule par l'empathie, elle manipule par le mensonge et par une déformation de ce qui serait demandé par les personnes concernées alors que c'est juste un droit d'exister, hein, pas une glamourisation quelconque. Bref, donc on a de gros mensonges qui servent un propos de lutte contre l'exploitation sexuelle qui n'aurait pas besoin, en fait, de ces mensonges pour être entendu, pas du tout. Parce que ce propos, il est légitime lui-même. Et les discours mensongers, en fait, ils sont juste là pour asseoir une condamnation morale de toute forme de travail du sexe. En fait, ça pourrait être une question, hein, la façon dont c'est installé et présent le travail du sexe, hein, que c'est une majorité de meufs qui l'exerce, une majorité d'hommes qui sont clients, tout ça. Mais en fait, c'est certainement pas Laurence, la quichasse, qui ment comme une arracheuse de dents de parler de ça. Voilà. Chut, Laurence. Allez, j'ai digressé. On en revient à la boom. On écoute La Terrorista del Sabor avec son morceau Chocho. Oye, tu es... La boom avec Bambi et son morceau qui s'appelle Don Dada, où en gros elle dit que pour résumer, que celle la boss, elle est tellement sexy qu'elle est irrésistible, hein, et que tout prend feu autour d'elle tellement elle est chaude, quoi, voilà. Et pour finir la boom, ce sera la chanteuse de Dancehall Spice avec un morceau qui s'appelle Sexercise et qui raconte qu'on peut remplacer le sport par la baise, parce que ça fait bien faire des squats. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais ça a l'air quand même bien pratique, cette affaire. Voilà. On est sur des morceaux d'affirmation positive de sa sexitude, de sa sexualité, de pécho, tout ça, avec une pointe d'humour, hein, quand même. On se retrouve... le troisième lundi du mois prochain, c'est-à-dire le lundi 20 janvier. J'espère que cette playlist vous aura ambiancé. Et la prochaine fois, on développera un peu plus les thématiques abordées à travers les morceaux, un peu. On se titillera un peu plus la cervelle, en parlant de chaudasserie, de stigmate social. Voilà, le stigmate social, fun, fun, fun, fun. Allez, salut. Feel your pum pum hole. Exercise, cause feel your pum pum hole. Mm. Everybody, time for your jump up. Good exercise, time for your warm up. You do your regular push up, you do your regular sit up. Your body no fi jump up, you no fi make dick stand up. Let's squat, sit down and a bounce and a squat. Act like you a bounce pan a cocky but it hot. To the left step that and to the right come back. So you sit down and a bounce squat and make your body fat. Bend over to a touch, girl fall. Open your foot like a football ball. Do the stand to a touch while you make your body roll. Fall, girl fall, cause you have up the good hole. I got the goody goody between me ties. The man say I never tell no lies. This a goody puny now make no noise. Sex exercise is a good exercise. I got the goody goody between me ties. The man say I never tell no lies. This a goody puny now make no noise. Sex exercise is a good exercise. Standing bicycle. Pack up your body, girl, dribble, girl, dribble. Dribble, girl, dribble, firm body, stiff and nipple. In a warm and body, if it's small and a tickle. Go down on your knees, you're no full of herpes. Exercise and a tease, make him on a bar, please. To a touch, girl, fall. Open your foot like a football ball. Do the stand to a touch while you make your body roll. Fall, girl, fall, cause you have up the good hole. I got the goody-goody between me thighs. The man say I never tell no lies. This a goody puny now make no noise. Sex exercise is a good exercise. I got the goody-goody between me thighs. The man say I never tell no lies. This a goody puny now make no noise. Sex exercise is a good exercise. So when you see me, I do me exercise. Me know if you make the cries. When you see me, I do me sex exercise. Me know if you make the cries. Right now I wanna give it to him. Give it to him like I'm in the gym. Give it to him, I wanna give it to him. Give it to him like I'm in the gym. Bend over to a touch, girl, fall. Open your foot like a football ball. Do the stand to a touch while you make your body roll. Fall, girl, fall, cause you have up the good old.